Comme vous pouvez le constater, je commence de manière informelle hein, pendant qu'il y a des coulisses qui se déroulent sous vos yeux. On a donc l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Chilpéric Boisculier, qu'on avait invité aussi pour la séance vidéo en milieu psychiatrique et malheureusement vous n'aviez pas pu venir à propos de votre expérience vidéo à la chaînée. Mais donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et donc Chilpéric a amené quelques-unes des bandes anciennes que vous êtes allé rechercher finalement à la chaînée. C'est quel volume finalement donc, quel volume de bandes qui s'y trouvaient encore? Je pense que des bandes comme ça, il y en a une centaine. Voilà, donc c'est un fonds conséquent. Et donc la BNF, évidemment, va aider à leur sauvegarde. Donc on va voir ce qu'il en est sur cet échantillonnage. Alors, ça n'est pas que la chaînelle. Oui, c'est votre... Ouais. Il y a des choses qui datent de 67. 67 déjà, aussitôt. Ah oui, c'est très très tôt. C'est une fille dans 67, chez... Pardon ? Dans 67, oui, il y avait, ici, bien sûr qu'il y avait de la vidéo. En 67, oui, en 67. Et il y avait, nous avons découvert la vidéo par un Américain qui s'appelle Gary Belkin. Et j'étais très étonné de lire quelques extraits comme ça et de ne pas voir son nom. Parce que ce type était malin comme tout, il était très très au courant de beaucoup de choses. Il est arrivé à Lausanne, je ne sais plus comment, je crois par le biais de José Varela, de Gaston, de Clément, ces gens-là. Et il nous a été recommandé par un journaliste, je vous ai cité le nom tout à l'heure, Alain. Oui. Du Monde. Louis Marcorel. De Louis Marcorel, qui était très, très, très intéressé par ses techniques légères. Et Gary Belkin, en fait, c'est lui qui vous a montré vraiment les premiers portables, les gens, nous a aussi indiqué où est-ce qu'on pouvait se les procurer. Puis, il nous a expliqué très rapidement qu'on pouvait les transformer pas mal. En particulier, qu'on pouvait introduire sur la caméra, qu'on pouvait la modifier, pas la modifier, mais apporter un objectif ingénieux qui avait été étudié pour les premiers satellites. Et d'autre part, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était un petit objectif, focal, je ne sais plus combien, très simple, qui était très. Enfin, qui faisait une image assez piquée, qui était très très. Qui faisait une très belle image, et il nous a encouragé à modifier également le son que j'ai pu faire à l'école polytechnique où j'étais étudiant à Lausanne. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, souvent de concert avec lui, mais je n'avais trop bien su ce qu'il avait dans la tête. En tout cas, il était au fait de la technique. Je ne pourrais pas vous dire réellement ce qu'il en faisait. Non, ça n'était pas des gros trucs, c'était une toute petite caméra qu'on avait, un tout petit enregistreur qu'on avait trafiqué dans le dos, comme ça, comme un sac à dos, une petite caméra, une sculpture qu'on avait collée. Alors, ben en fait. En développant en France ou à Paris, on a eu la vidéo. Mais moi, j'ai déjà plus le souvenir de la connaissance de ces outils qui étaient venus à cette époque-là. En France, il a fallu attendre 1960, vraiment le début des années 70, pour voir les premiers matériels vidéo portables. Oui. Alors effectivement, on est... C'était le problème du CECAM, Oui, voilà. Non, là, le problème ne se posait pas, c'était du noir et blanc, de toute façon. Donc, C'était du NTS. Si vous venez des États-Unis, c'était pas le matériel qu'il avait acheté à Paris. Paris. Je vais plus lire le nom du fournisseur. C'est ça qui est fou. Oui. C'est étonnant. Continental électronique, non? Oui, c'est ça. Alors pour répondre à votre question, en partie, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste, mais nous sommes là depuis quelques mois en contact avec les enfants, le fils et la fille de Gary et Paul Belkin, qui conservent toutes ces archives. Il est vivant ? Il est plus vivant ? Non. Non, il n'est plus vivant, mais ses enfants, donc on est en contact avec eux. Et ils ont en particulier beaucoup travaillé sur, pour aller vite, parce que je ne maîtrise pas tout à fait la question, mais sur les questions de développement en Haïti et en Tanzanie. Ils ont fait un gros travail de terrain en Haïti et en Tanzanie qui ont donné lieu à énormément d'heures de rush où ils travaillent sur les relations justement entre la population et les politiques qui décident des politiques de développement. Donc c'est une sorte de réflexion critique sur les politiques de développement venues d'en haut pour aller vite. Peut-être que Yvonne Mignon-Lefebvre complétera de façon plus informée mes propos là, qui sont peut-être un peu approximatifs, mais qui voilà, visent à situer les choses. Et ça a donné lieu donc à des productions fixées sur Umatic qui ont été distribuées dans le milieu, disons, de l'économie du développement, avec effectivement des formateurs en économie du développement qui se sont servis des travaux réalisés par Gary Paul Belkin en Tanzanie, notamment avec des livrets d'accompagnement dans les années 70-80. Donc on est absolument impatient de voir et impatiente de voir le résultat des transferts et que on espère que effectivement ce sera possible de les récupérer. Et si nous avons des difficultés, nous n'hésiterons pas à nous retourner vers Patrice Bénard, à qui je vais très vite donner la parole, très bientôt, aux côtés de nos autres invités.